Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Antigone. Merci Antoine pour ce radiojournal et ce très beau témoignage sur la vie après le cancer, notamment le cancer du sein. Merci beaucoup, donc de nouveaux témoignages et beaux reportages tous les jours à partir de 18h dans ton radiojournal. Merci beaucoup Antoine, vous êtes sur Radio Antigone, c'est la casse talk qui commence. Vous allez voir, nous sommes là jusqu'à 19h30 dans la joie et la bonne humeur. Il est 18h31. Radio Antigone. Radio Antigone. Ah, très bien. Alors attendez. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Comme d'habitude, ce n'est pas la bonne chose qui commence. Non, je dis comme d'habitude, bon, vous avez un peu l'habitude des problèmes techniques dans votre case Talk, mais ce n'est rien, c'est pour ça qu'on aime cette case Talk, vous aimez Radio Antigone, même s'il n'y a pas beaucoup de problèmes techniques sur Radio Antigone à part pendant une heure de 18h30 à 19h30. Justement, nous vous accompagnons pour la case Talk avec tous vos rendez-vous habituels. Le programme TV dans 4 minutes. La case d'avant aux alentours de 18h45. Aujourd'hui, nous repartirons le 6 mai. Notamment le 6 mai, j'ai oublié, ça y est, le 6 mai, je veux retrouver la date. C'est pas sérieux ça, d'oublier la date. Nous repartirons un 6 mai comme d'habitude. Et nous vous proposerons encore un rendez-vous hommage comme il y a 2 jours. Mais cette fois sur un sujet totalement différent. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive? On a les actus du numérique juste après le journal de 19h. Et également le quiz, qui veut gagner des Antigone, comme tous les jours, aux alentours de 18h10, 18h15. Voilà pour le programme. Alors je ne sais pas si certains membres de l'équipe, s'il y a du monde, sont là. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Morgane, comment vas-tu? Ça va, disons que je suis soulagé de rentrer à la maison. La journée de travail était pas terrible, terrible. Donc voilà, un peu fatigué de la mauvaise nuit aussi, mais bon, ça arrive. Bon, et ben tu vas essayer de passer un bon moment avec nous aujourd'hui. Mais bien sûr. Mais oui, comme d'habitude. J'espère que vous, à la maison, vous avez passé une bonne journée. Vous allez voir, votre journée va bien continuer, en tout cas pendant une heure. Après, je ne suis pas responsable de ce qu'il se passe après. Vous allez voir, vous allez vous faire plaisir. On a de la très bonne musique qui arrive dans 7 heures. Alors, que je vous dise, qu'est-ce qu'on a? On a du CLHU avec le titre Alone. On a Rage Against the Machine. Et puis on a aussi Pony Pony Run Run. Mais ça arrive juste après The XX avec le titre intro sur Radio Antigone. Dans 2 minutes, le programme TV. The XX avec le titre intro sur Radio Antigone. Dans 5 minutes à peu près, nous écouterons le titre Alone. C'est Stella Chou sur Radio Antigone. Pour l'instant, on part du côté du petit écran. Le programme télé. Tous les jours, les membres de l'équipe de la case Talk de la case du soir vous proposent des programmes à regarder tout seul à la maison ou en famille. On commence avec Morgane. Morgane, tu nous donnes rendez-vous ce soir sur le canal 20 de la TNT. Je vais y arriver. Oui, avec TF1 Série Film qui propose à 21h Sacrifice. Un documentaire qui nous propose de replonger dans les coulisses du débarquement en Normandie, mais pas seulement, puisque c'est à tout le mur de l'Atlantique que les armées alliées essayent de s'attaquer. Ce 5 juin 1944, donc dans le sud de l'Angleterre, des soldats alliés attendent depuis plus de 50 heures leur embarquement. Et Ah, j'ai perdu la suite. Ah, non, la suite, la voilà, bien sûr. Mais la suite, si vous connaissez vos cours d'histoire, vous la connaissez bien sûr. C'est le débarquement en Normandie avec les alliés anglo-américains, quelques forces françaises, des moyens humains et techniques déployés tout bonnement impressionnants pour ce qui restera une des plus grandes opérations de guerre et de débarquement de l'histoire, avec énormément de pertes humaines, puisqu'en une soirée, 10 000 personnes auront laissé leur vie pour ce débarquement avant la bataille de Normandie. Alors, vous allez peut-être me dire, bon, encore un programme sur la TNT qui parle de Seconde Guerre mondiale, qui traite le sujet du débarquement. Certes, mais ici, la narration est faite par Lambert Wilson et Christine Scott Thomas. Le documentaire a déjà été diffusé, en fait. Il a fait partie d'un dispositif spécial qui avait été mis en place par TF1 pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement en Normandie, donc programmé en 2014. Donc, si vous souhaitez vous replonger dans cet épisode de l'histoire de France marquant, s'il en est bien sûr, un des plus marquants de l'histoire récente, je vous propose donc d'aller voir Sacrifice sur le canal 20 de la TNT à 21h sur TF1 Cinéfilm. Merci beaucoup Morgane pour ce conseil. Matt, que nous proposes-tu ce soir? Pardon. Alors moi, j'étais en train de boire. Alors moi, je vais vous proposer d'aller un peu moins loin sur la télé, d'aller juste tout simplement... de taper 3 et d'aller sur France 3 pour regarder ce soir Des Racines et des Ailes. Alors, c'est un peu la solution de facilité parce que Des Racines et des Ailes, c'est toujours un très beau programme avec, comme d'habitude, des paysages à couper le souffle. Aujourd'hui, Des Racines et des Ailes part en Normandie avec des belles prises de vue de la côte de... la côte de Nol, des îles Chauzet, ou encore des cabines de bois de Gouville-sur-Mer. Tout ça, moi, je ne connaissais pas et je vais connaître après avoir regardé Des Racines et des Ailes. C'est tout simple, hein. Des Racines et des Ailes, ça permet, c'est l'ADN France 3, en fin de compte, ça permet de voir la beauté d'une région, d'un département, d'un endroit en particulier. Et comme d'habitude, toujours des très belles images, des endroits incroyable. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Des Racines et des Ailes, c'est ce soir sur France 3 à 21h ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Ça dépend, aux alentours de 21h et sinon, comme d'habitude, en replay sur leur site internet france.tv. Merci beaucoup, Matt, pour cette belle proposition également. Sachez qu'à 23h15, il y a un reportage nommé Enquête de Région et c'est également inédit. Sur TF1, 3 nouveaux épisodes de la série The Resident. Sur France 2, rediffusion d'Alex Hugo, suivi d'un nouveau numéro de Dans les yeux d'Olivier, inédit. Sur Canal+, le film inédit Une fille facile. Sur France 5, rediffusion de La Grande Librairie. Sur M6, vous retrouverez Top Chef. Et en inédit, on a aussi sur Sister, la série Elementary, qui avait été diffusée il y a quelques années, qui avait commencé sa diffusion sur M6, et qui se retrouve étonnamment en inédit sur Sister ce soir à 21h05. Merci à chaque membre de l'équipe pour leur participation et leurs propositions. Dans quelques minutes, nous allons... écoutez les titres de l'actualité d'il y a quelques années, nous allons débattre ensemble. Ensemble, et bah oui, puisque vous aussi vous pouvez participer, préparez vos réseaux sociaux avec Twitter, et puis nous lirons bien sûr vos commentaires sur les différents sujets. On revient il y a près de 20 ans aujourd'hui. Vous allez voir ça dans quelques instants. Pour l'instant, je ne retrouve pas la musique que nous allions diffuser. Si, comme prévu, on écoute Céla Aun avec Alone sur Radio Antigone, on revient dans 3 minutes pour la case d'avant. Alone sur Radio Antigone, c'était Céla Chou à l'instant sur la radio à vie. Philippe Piller, 18h45, de revenir dans le passé. Nous allumons notre machine à voyager dans le temps. C'est l'heure de la case d'avant. Radio Antigone. La case d'avant. Case d'avant, c'est la chronique qui nous permet de revenir dans le passé. Nous écoutons les titres de l'actualité d'il y a quelques années et ensuite nous en débattons tous ensemble. Tous ensemble, oui, n'hésitez pas à réagir via Twitter et le hashtag LCDS. Aujourd'hui, on va commencer par revenir en 1984 avec les titres. J'ai oublié son nom, c'est super, j'adore. Avec les titres de Christine O'Krent, voilà, pardon, j'ai un peu de mal. On étudiera 15 sujets et après on aura un passage mémoire encore, un passage hommage. Donc pour l'instant, on repart au 6 mai 1984. Et ça ne part pas. Cérémonie monstre à Séoul, en Corée du Sud. Le pape a canonisé 100 francs martyrs devant une foule de 800 000 personnes. La difficile préparation du budget 85, plusieurs scénarios sur un même principe assigné par le chef de l'État, la réduction des impôts. 30 ans après, un anniversaire douloureux, la chute de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. En sport, double victoire française. En cyclisme, Éric Caritour remporte le Tour d'Espagne. En Formule 1, Alain Prost gagne le Grand Prix de Saint-Marin sur McLaren Porsche. Voilà pour les titres de l'actualité de ce 6 mai 1984, c'était présenté par la fameuse la grande Christine O'Krent. Le sujet que je vous propose, des sujets d'évoquer, oh là là, j'ai du mal. Il s'agit bien sûr du sujet d'argent, hein. On n'est pas là pour rigoler. Donc je voulais vous parler de ce budget 85, donc pour l'année suivante, et il y avait l'évocation d'une potentielle réduction d'impôts. Sur le titre marqué à l'écran, on nous parle de trois hypothèses, dont donc cette réduction d'impôts. Alors ça, on l'entend souvent ressortir. Quand on suit un peu les cours d'SES scolaires, on comprend vite que les impôts, certes, faut pas que ça soit trop élevé, mais il en faut parce que ça aide bien sûr au fonctionnement du pays. Vous, quel est votre avis sur ça? Est-ce que les Français ont trop envie d'une baisse des impôts alors qu'en fait c'est pas forcément trop élevé? Votre avis sur l'ISF aussi, je pense que là l'impôt de solidarité sur la fortune, je pense qu'on va avoir un avis très simple, que tout le monde va être d'accord. Qu'en pensez-vous, vous? Ah, de mon côté, je ne suis pas convaincue qu'il y ait trop d'impôts en France. Dans le sens où si on a des services publics de qualité, c'est en grande partie grâce au financement collectif, grâce au financement par l'impôt. Après, c'est vrai que tout le monde, si on prend seulement en compte l'intérêt personnel à court terme, tout le monde va vouloir payer moins d'impôts. Ça, c'est forcément logique. C'est même humain, j'ai envie de dire. Mais je pense que la clé d'un système d'imposition efficace repose dans sa répartition. Alors ça se voit bien sûr déjà dans des proportions assez visibles, dans le sens où de nombreux ménages ne sont pas du tout imposés. D'ailleurs c'est tant mieux, ça leur permet quand même de mieux respirer. Mais il y a, je pense, un souci d'équilibrage en ce qui concerne les plus riches, l'imposition des plus riches. Or on se retrouve face à un dilemme. Les personnes qui sont les plus riches dans notre pays sont celles qui peuvent, je pense, le plus facilement changer de domiciliation fiscale si jamais la fiscalité d'un pays ne leur convient pas. Oui, mais pour le coup, je suis... Effectivement, c'est le grand problème. Et c'est l'un des grands sujets à chaque quinquennat présidentiel, ça, Matt. Allô? Oui, Matt. Allô? On t'entend, oui. Matt. D'accord, mais je sais pas, je commence à parler, tu m'as coupé la parole salement. Bref, ah bon? Non, j'ai pas entendu du tout, désolé. C'est pas grave, oui, mais non, mais pour le coup, Morgan a raison. En France, on a beaucoup d'impôts, mais à côté, on a un service public de qualité. Et ça, ça s'est notamment vu avec la crise du coronavirus aux États-Unis, où le nombre de personnes au chômage où le nombre a grimpé en flèche. Genre, c'était, je sais pas si vous avez vu les graphiques, mais genre, c'est incroyable. Et que du coup, aux États-Unis, où il n'y a pas tant que ça d'assurance maladie, tout ça, même si Obama avait mis en place l'Obamacare. Mais je crois que Donald Trump l'a supprimé, ou enfin un truc comme ça, comme Donald Trump sait bien le faire finalement. Ben, aux États-Unis, ils ont pas beaucoup de protection, mais ils payent moins d'impôts. Genre, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre. Et du coup, en France, on a pas mal d'impôts et on a des bons services publics de qualité. On en a beaucoup aussi. Et donc, en ce qui concerne l'ISF, le sujet qui fâche, ça fâche rapidement, hein. C'est-à-dire qu'il y a les riches qui sont pour la suppression et les autres qui sont plutôt contre la suppression. Mais c'est simple, l'ISF c'était l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire que quand t'avais beaucoup d'argent, tu payais encore plus. Ça je trouve ça logique qu'une personne qui a plus d'argent, qui gagne plus d'argent, paye plus d'impôts, parce que c'est comme ça, hein. C'est, si on fonctionne sur un principe d'égalité, comme par exemple avec la TVA, et ben en fait on se rend compte que la TVA ça impacte plus les ménages avec peu de revenus. Par exemple, quand on achète du pain, imaginons on achète du pain, la baguette de pain est à 80 centimes, 90 centimes avec la TVA. Je précise, les chiffres sont fictifs. Et ben pour une famille qui gagne pas beaucoup d'argent, 10 centimes, c'est un nombre pas négligeable, surtout vu le nombre de baguettes de pain. Pour la famille Arnaud ou Vincent Bolloré, je pense que 10 centimes, franchement, il est pas à ça près du tout. Et du coup, pour moi, c'est là que vient la nécessité que les impôts soient progressifs et que les personnes qui ont un peu plus d'argent payent un peu plus d'impôts et que ce soit progressif, mais que ce soit aussi en rapport, c'est-à-dire que l'impôt soit en fonction de ce que tu gagnes, en fonction de ce que t'as. Et puis le principal argument d'Emmanuel Macron concernant la suppression de l'ISF, c'était de dire oui, mais l'ISF, et ben ça incite les riches à partir, et alors que si on le transforme en IFI, les riches payent moins d'argent, non seulement ils reviennent, mais en plus tout cet argent ils l'investissent, c'est-à-dire qu'ils achètent des actions dans les entreprises, tout ça, enfin ils investissent, quoi, c'est-à-dire que cet argent il soit pas dormant, genre acheter une nouvelle villa en, je sais pas, acheter une nouvelle villa. Et du coup, eh ben, en fait, on a vu que cet impôt sur la fortune, il a du coup fait perdre de l'argent à l'État. Et en fait, les riches ne sont pas revenus tant que ça. Et les riches, avec cet argent, ils s'achetaient une belle voiture, ils s'achetaient une belle villa. Donc, ça n'a pas marché. Merci Matt, merci Morgane. Bon, en soi, on n'a pas forcément avancé sur le sujet parce que c'est un sujet tellement complexe, hein, je pense bien qu'il serait déjà réglé si on avait les réponses aussi facilement que ça. Mais on a quand même bien évoqué tout ce sujet du budget et la complexité. Je vous propose maintenant de revenir en 1992. Il y a deux jours, on avait fait un hommage sur les otages libérés du Liban, otages qui avaient été Liban pendant plus de 1000 jours. Maintenant, je reviens donc le 6 mai 1992. Élise Lucet est à la présentation du 19-20 et la veille, il y a presque 24 heures, un grave événement s'est passé. Bonsoir, Loezel, Sheffield, personne ne pensait qu'un jour un club français viendrait ajouter son nom à cette liste dramatique des catastrophes du football. Et pourtant, 20h20 hier soir, stade de Furiani, près de Bastia, une tribune s'écroule et des milliers de spectateurs sont projetés dans le vide. Le dernier bilan fait état de 10 morts et de 527 blessés. Un drame qui provoque de nombreuses questions. La tribune pouvait-elle accueillir autant de spectateurs? Les normes de sécurité ont-elles été respectées? Nous sommes en mesure ce soir de diffuser des éléments déterminants pour cette enquête. Mais revenons aux faits, au drame qui s'est déroulé hier soir en Corse. Laurence Bobillier. Furiani, à 10 minutes du coup d'envoi, le speaker lance des avertissements aux spectateurs. Écoutez. Ça ne peut pas dévier sur la partie en fer. Pour des raisons de sécurité. Partie en bois, ok, mais pas la partie en fer. En quelques secondes, la fête tourne au drame. La tribune métallique spécialement construite pour ce match s'effondre. 3000 spectateurs installés sur les derniers rangs sont emportés. Certains ont fait une chute de 20 mètres. Les corps sont pris dans les amas de ferraille. Des joueurs tentent d'enlever les grillages qui ceinturent la pelouse pour délivrer les spectateurs. Les premiers secours s'organisent. Un drame dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui, un drame tout près de Bastia, donc à Furiani, le stade de Furiani. Petit rappel du bilan malheureusement final. Cette catastrophe a fait 18 morts et quand même 2357 blessés. On a sur les témoignages qu'on entend régulièrement quand des reportages sont refaits dessus, on entend certaines personnes qui disent quand j'étais dessus, j'ai senti déjà que ça bougeait quand j'y suis allé. Notre cher Jacques Vendroux du service des sports de Radio France avait en 2017, il y a 3 ans, contesté ses propos. Voici ce qu'il avait dit, lui. Si j'arrive à avoir l'extrait Jacques Vendroux sur France Info en 2017. J'ai été très très agacé pendant près de 25 ans par un certain nombre de propos qui ont été tenus en disant « Je suis monté sur la tribune et j'ai senti que la tribune bougeait ». Très honnêtement, s'ils sentaient que la tribune bougeait, pourquoi ils sont montés sur cette tribune ? Moi, je suis monté sur la tribune, j'assume complètement, elle ne bougeait pas, très franchement. Autrement, je ne serais pas monté, je suis arrivé tout en haut avec les différents commentateurs des télés et des radios. Et puis ce qui restera le mystère de ma vie tout le temps, c'est que moi j'étais au milieu et qu'il y avait 7 personnes à droite, 7 personnes à gauche. Et toutes ces personnes sont mortes, dont le technicien de Radio France qui était avec moi et de nombreux animateurs, 2 animateurs de France Bleu Frequenza Mora. Donc ce que je voulais dire, c'est que, je veux dire, on ne se rend absolument pas compte. Moi, je m'en suis pas rendu compte et je l'assume. Et après, ben vous vivez avec ça toute votre vie, c'est-à-dire que ça vous accompagne. Voilà, Jacques Vendroux qui avait fait une mise au clair en 2017 lors du malheureux anniversaire. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire, Matt Morgan, sur cet accident ? Depuis, bien sûr, les mesures de sécurité ont encore été élargies. Il y a eu des failles, des condamnations qui ont été amenées après tout cela. C'était pendant une demi-finale. Qu'en pensez-vous ? Bien. Premièrement, cette tribune était construite, comment dire, elle était franchement pas aux normes de sécurité déjà en vigueur à l'époque. Je suis en train de lire des documents selon lesquels certains éléments métalliques qui soutenaient les tribunes et formaient des formes rectangulaires, on va dire. Si vous arrivez à vous figurer, les tubes métalliques formaient des rectangles qui n'étaient pas soutenus par des diagonales. Or, forcément, si ce genre d'architecture n'est pas soutenu par des diagonales, mettez du poids dessus et ça va s'aplatir. Et donc, forcément, la tribune va s'écrouler. De plus, elle était soutenue par des cales en bois qui n'étaient pas bloquées, qui n'étaient pas scellées, ou en tout cas pas correctement. Donc au départ de cette catastrophe qui a quand même coûté la vie à 18 supporters, en tout cas 18 personnes et qui a fait donc plusieurs centaines de blessés, il y a une malfaçon, un match qui n'aurait pas dû se tenir dans ces conditions tant que cette tribune n'était pas aux normes pour moi. Et aujourd'hui, à l'époque en 92 et encore aujourd'hui pour les blessés, ce sont des vies humaines qui en payent le prix. Matt, j'ai rien à rajouter. Rien à rajouter vraiment, je suis 100% d'accord avec Morgan. Bon, on est tous à peu près d'accord. On espère bien sûr tous que aucun événement de ce genre ne se reproduira. On pense bien sûr aux familles de toutes les victimes et à tous les blessés aussi. Il y a eu de nombreux blessés à degrés divers. Voilà, pour cette case d'avant, prochain point. Prochaine case d'avant, c'est demain, la dernière de la semaine, puisque le vendredi, ce sont les carnets culture de chaque membre de l'équipe. Prochain rendez-vous donc de la case d'avance, c'est demain aux alentours de 16h45. Pour l'instant, rien n'est prêt, j'ai encore oublié, ça m'aurait arrangé que Matt ait quelque chose à dire. On va reprendre hein, dans la bonne humeur, on va essayer de se réjouir un peu puisque le quiz arrive aux alentours de 19h15. Nous aurons également... Je peux faire le top horaire à la voix si tu veux. Alors tu fais le top horaire à la voix si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, Radio Antigone, il est 19h. Radio Antigone. Radio Antigone. Merci beaucoup, effectivement, il est même 19h01 maintenant. Radio Antigone. Radio Antigone. Tu veux faire le du journal maintenant? Génial. Il est pas mal effectivement. Et oui, déjà 19h, l'heure de faire comme d'habitude un point sur toute l'actualité avec la rédaction. Bonsoir. Alors, pas de point sur l'actualité visiblement, c'est super. Ah oui, super, bravo. On arrive, un point sur l'actualité dans quelques secondes, voilà, quand rien ne va. Rien ne va, voici votre point sur l'actualité avec notre rédaction. Bonjour à tous, un luminaire qui désinfecte le bureau la nuit. C'est le système original mis au point par une entreprise auvergnate. Cette lampe hybride permet à la fois d'éclairer les bureaux ou les espaces accueillants du public, puis de désinfecter les surfaces lorsque les locaux sont vides. Le déplacement à plusieurs milliers de kilomètres, il est exclu, a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du tourisme, à propos des vacances d'été en période de coronavirus. La Commission européenne s'attend à une récession de 7,7% dans la zone euro cette année. Des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage du Covid-19 alors que les clubs de la Liga s'apprêtent à retourner à l'entraînement en vue d'une reprise de la compétition en Espagne prévue au mois de juin. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont été parmi les joueurs qui ont été vus en train d'arriver en voiture au centre d'entraînement du Barça ce matin. Voilà pour ce point sur l'actualité, qui depuis quelques jours, depuis une semaine maintenant, fait de plus en plus état d'une reprise du sport. On entend de plus en plus parler du sport après un mois et demi, deux mois de presque aucune actualité sur le sport, et c'est bien normal. Toutes les activités sportives avaient été arrêtées, tout comme toutes les compétitions. Prochain point sur l'actualité, c'est à 19h30, dans une trentaine de minutes. Pour l'instant, la case talk, la case du soir, continue. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case talk d'Enzo. Effectivement, nous sommes là jusqu'à 19h30, toujours avec toute l'équipe, Matt, Morgan, qui sont là. Bonsoir, rebonsoir à vous deux. Rebonsoir. Comment ça va? Un petit peu mieux, là. J'ai pris le temps de me détendre, de me délasser. C'est bien, tu vas voir, tu vas encore plus te détendre, puisqu'il y a le « Qui veut gagner des Antigones ?» La nouvelle version du quiz depuis ce lundi qui arrive dans une dizaine de minutes. De la musique également, ben oui, comme d'habitude, parce que c'est quand même le but de Radio Antigone, hein, de la musique tous les jours, quasiment dans toutes les heures. Hein. C'est simple, on aura Pony Pony Run Run avec le titre Hey You, et puis on aura aussi Rage Against the Machine, on écoutera Kyling in the Name. Le quiz donc dans quelques instants. Morgane, tant que je te tiens, en quelque sorte, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Tu nous avais parlé d'une souris qui s'était incrustée chez toi par un trou tout près du réfrigérateur. Qu'en est-il maintenant, après une semaine et demie sans nouvelles, de cette souris? Eh bien, ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de la souris. C'est pas forcément grâce au taper ta souris d'ailleurs, elles ont davantage attiré les fourmis que la souris sur le piège, et donc j'ai des colonnes de fourmis qui parcourent la pièce maintenant, qui se régalent de l'emmental et du beurre de cacahuète que j'ai posé sur les tapettes. Non, la souris, elle, bon ben je n'ai plus trop de nouvelles. Je l'entends parfois gratter dans les murs, mais depuis que je l'ai vu partir dans la salle de bain en dessous d'un tuyau d'eau, bien, j'ai constaté qu'il y avait un trou dans ce coin justement, et je me suis dit mais c'est peut-être un deuxième accès de la souris. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du papier aluminium, j'ai bouché le trou. On va voir combien de temps ça tient, mais pour l'instant je ne suis plus dérangée. Je pense que la souris a perdu son point d'accès à l'appartement. Du coup elle me dérange moins la nuit, mais par contre quand je parle aux voisins du dessus, sont toujours concernés par cette infestation de souris, et eux, d'après eux, ça commence dès 20h, c'est-à-dire que ça va pas tarder à commencer chez eux, et il y en a plus que chez moi, donc moi je m'estime peut-être heureuse de ne pas être dérangée par plusieurs, mais par une seule souris, et pour l'instant, je suis assez soulagée de savoir qu'elle ne passe plus par ici, elle ne passe plus le bout de son petit museau. Eh bien, c'est très bien ça, Morgane, on est content pour toi. Rassure-moi, elle passait par les tuyaux d'évacuation, j'espère, pas les tuyaux d'entrée, parce que sinon, bon appétit l'eau, hein. Non, mais elle ne passe pas dans le tuyau, elle passe dans un trou qui est juste en dessous du tuyau. C'est mieux quand même, effectivement. Oui. Eh bien, merci Morgane pour ce point souris, donc je pense qu'on va pouvoir te laisser tranquille avec cette souris. On ira plutôt voir peut-être du côté de Matt, voir comment va Matt. Matt qui va nous retrouver dans une dizaine de minutes pour le quiz. Pour l'instant, il est 19h06, 19h07 même, l'heure des actus du numérique. Radio Antigone, les actus du numérique. De nombreuses actualités aujourd'hui. Je propose de commencer avec les Microsoft Surface Earbuds, des écouteurs sans fil by Microsoft, qui avaient été annoncés en octobre 2019. Nous avions pu les croiser rapidement lors des annonces des Surface Laptop 3 et de la Surface Pro X en fin d'année 2019. Eh bien, sachez que ces nouveaux écouteurs devraient arriver en France, puisque Microsoft France vient d'officialiser l'arrivée de ces Surface Earbuds. Alors, ces écouteurs True Wireless, donc sans fil, avaient été repoussés à 2020. Ce sont des écouteurs Bluetooth classiques, au moins d'un point de vue des caractéristiques. Ils utilisent un boîtier de recharge pour une autonomie totale de 24 heures. Ils proposent de la charge rapide. 10 minutes de charge permet de bénéficier, par exemple, d'une heure de musique. Sachez que quand ils ont été officialisés, leur design circulaire n'a pas manqué de surprendre. Peu discret, il permet de proposer une large surface tactile pour se passer totalement d'un écran. Contrairement aux AirPods Pro d'Apple, on peut par exemple contrôler le volume quand on écoute la musique, et ce, sans sortir quoi ? Eh bien, son téléphone, bien sûr. Alors, parlons un peu du prix de la disponibilité de ces Microsoft Surface Earbuds. Ils seront disponibles en France à partir du 12 mai 2020. Pour le grand public, la disponibilité est le 18 août pour la version professionnelle. Le prix de vente est quant à lui de 219,99€, soit quand même un peu moins que les AirPods Pro d'Apple. On passe maintenant à Google et on recommence à parler. Je vous propose de reparler une nouvelle fois dans cette chronique du système de jeux en streaming Stadia. Eh bien, si vous n'aviez pas suivi cette actualité, sachez que la manette sans fil qui était offerte, qui était dans le pack fondateur pour jouer en premier à Google Stadia, ne fonctionnait pas vraiment sans fil. Et oui. Effectivement, Google l'a fait. L'utilisation de la manette sans fil Stadia contrôleur était maintenant réservé au possesseur de Chromecast Ultra. Sur smartphone ou PC, il était donc obligatoire de connecter la manette à l'aide d'un câble USB. Bonne nouvelle pour les joueurs PC, Google vient d'annoncer que la manette Stadia fonctionnait désormais sans fil sur ordinateur. Voici le message. Dès cette semaine, vous pouvez utiliser la manette Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Vous n'avez plus besoin de connecter, physiquement votre manette Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. Sachez en revanche que Google ne mentionne pour l'instant aucune compatibilité sans fil avec les smartphones et tablettes Android. Cela interviendra très certainement dans les mois à venir. Voilà pour ces actus du numérique. Prochain point sur les actualités du monde virtuel, notamment demain aux alentours de 19h06-07 comme d'habitude. Pour l'instant, il est 19h10 et vous êtes toujours sur Radio Antigone. Qui veut gagner des Antigones arrive dans quelques minutes, mais pour l'instant, on a besoin d'un peu de musique puisque, oula, avant d'écouter Pony Pony Run Run avec Hey You pendant le quiz, nous écoutons le titre Killing in the Name. C'est Rage Against the Machine sur Radio Antigone. Bienvenue. Rage Against the Machine avec Killing the... Ah, ça y est, le titre est tellement long que je n'arrive même plus à le voir s'afficher. Ah, j'adore, c'est merveilleux ça. Est-ce que ça veut bien venir, s'il vous plaît? Non, très bien. Avec Killing the Name, oui, c'est très simple en plus. Vous êtes sur Radio Antigone, il est 19h15, on a encore 15 minutes à passer ensemble dans votre case du soir. C'est déjà l'heure du quiz. Bienvenue dans Qui veut gagner des Antigones, votre jeu tous les jours aux alentours de 19h13, il est déjà 19h16, nous avons un peu de retard, on a quand même bien tenu les horaires aujourd'hui, donc ce n'est rien. Je vous rappelle le principe est très simple, je pose des questions à mes candidats un par un, s'ils ont la bonne réponse, ils gagnent 2 points, parallèlement tous les autres, maintenant c'est une nouveauté, peuvent répondre par texte. S'ils ont la bonne réponse, ils gagnent un point, ce qui leur permet de jouer sans qu'ils ne s'ennuient. Nous sommes toujours avec Matt Morgan. Un mot pour vos adversaires. Coucou. Yo. Eh bien, très bien. Eh ben, je vous propose de commencer. Aujourd'hui, nous sommes sur des questions médecine et biologie. Est-ce que ça vous va ? Ça vous va ? Ah oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'en reviens à ma boîte de jeu de C'est pas sorcier aujourd'hui, exceptionnellement. C'est surtout que j'ai oublié de préparer d'autres questions. C'est pour ça. Alors, qui commence aujourd'hui ? Je vous propose Matt, parce que ça fait quelque temps qu'il n'a pas commencé. Allez, va. C'est parti, Matt. Voici ta question. Alors, la nuit, lorsque nous dormons, nous passons par des phases de sommeil profond et par des périodes de sommeil qui est dit paranormal, paradoxal, parabolique ou paradoxal. Paradoxal. Paradoxal ? Oui. Ah oui, c'est vrai, faut répondre les trucs là. Oui, oui, faut que tu répondes. Tu mets tout le temps qu'on peut écrire le. Ah bah oui. Bah, c'est un peu trop tard du coup. Je ne sais même pas si c'est la bonne réponse, Matt. Je suis gentil, donc... Alors... Ah, je connaissais la réponse aussi, donc... Ok, bon, bah vous avez les deux la bonne réponse. C'est bien paradoxal, et c'est environ 5 fois dans la nuit, et pendant 15 minutes, le cœur bat plus vite, la respiration est désordonnée, les yeux bougent sous la paupière, le visage change d'expression, c'est durant ces périodes que nous rêvons... Bravo, 2 points pour toi, Matt. Morgan, tu as déjà un point. Morgan, voici ta question. Lorsqu'un couple veut se reproduire sans fabriquer de bébé, il peut utiliser un préservatif. C'est un moyen de contraception, stérilité ou vaccination. Quelle question ? J'avais pas compris qu'il y avait cette question. C'est un moyen de contraception. Alors, voilà, j'attends la réponse de Matt, mais bon, je ne doute pas qu'il ait bien répondu. Bien sûr, c'est la contraception. Tout simplement, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'ai pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qui m'écrit sur ma carte ? D'ailleurs, on va rigoler. Il explique les différents moyens de contraception que sont bien sûr la pilule, le stérilet ou le préservatif. Sachez, on le rappelle, que le préservatif est le seul qui protège également contre les maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, donc protégez-vous. C'était le moment prévention. Pour l'instant, vous êtes à égalité. Merci, oui. Ma chère Amorce qui part toute seule. Vous êtes à égalité, 3 points partout, bravo. Donc Matt, Morgane vient d'avoir 2 points et Matt 1 de plus, 3 points partout. Voici la question suivante pour toi, Matt. Ouais. Alors, l'homme a-t-il un cerveau plus gros que celui de la femme? Oui. Non, la femme a un plus gros cerveau. Non, ils ont un poids identique. Je crois que l'homme a un plus gros cerveau. Donc la première réponse? Ouais. Je sais plus, je suis plus très sûr, mais j'ai pas le choix. Morgane est en train de répondre. Voyons voir ce qu'elle répond. Alors. Avec un poids de 1450 grammes contre 1300 grammes, c'est bien l'homme qui a un cerveau plus lourd que la femme. Effectivement, celui de la femme ne pèse donc que 1300 grammes, soit 150 grammes de moins que celui de l'homme. Matt, tu gagnes donc 2 points de plus, tu es à 5 points. Morgane est pour l'instant à... J'ai oublié combien. 4. Très bien, oui, c'est ça. Oui, j'avais un problème de logique, mais non. C'est bien ça. Voici ta question, Morgane. Oui. Alors, où est-elle? Elle est là derrière. Alors, je me suis coupé en bricolant dans mon camion. Ma maman m'a fait un pansement bien serré. Pour éviter quoi? Est-ce que c'est pour éviter l'hémorragie, la coagulation ou l'hémolyse? Elle a fait un pas? Pour éviter une hémorragie. Matt, elle a fait un pansement. J'attends ta réponse, Matt. Alors, sachez que vous avez les deux. Ah, il a mal entendu la question, je crois. Ah, alors je t'explique. La question, c'est... Allô? Je me suis coupé en bricolant dans mon camion. Enfin, j'ai... Non, j'ai juste... Allô? Oui? Oui. Matt? Ah, bordel. On t'entend, Matt, hein, tu sais. Très bien, je vous propose de valider la question, on va pas perdre trop de temps dessus, on valide donc ta réponse. Et effectivement, on fait un pansement, pourquoi? Bah pour éviter l'hémorragie, bien sûr. L'hémorragie, je le rappelle, est un écoulement de sang causé par la rupture d'un vaisseau sanguin. Je peux dire une très belle égalité, qu'y a-t-il? Je peux dire une vanne pourrie? Vas-y, fais-toi plaisir, on passe après. Quand c'est un poisson qui saigne, il fait une hémorragie. D'accord, alors tu sais, c'est bien parce que le logiciel a voulu te censurer, on a entendu, quand c'est un qui saigne, quand c'est un peu qui saigne, voilà, donc on n'a pas entendu le mot. Un poisson clown. Et j'avoue qu'elle est pas mal quand même. Sur ce, le temps de reprendre toutes ces émotions, parce que, oh là là, on est tellement que, il faut le temps de souffler. Je vous propose d'écouter Pony Pony Run Run avec Hey You, c'est un titre de 2009 sur Radio Antigone. Vous êtes sur Radio Antigone, un bon titre qui nous fait toujours du bien, ça fait toujours du bien de le réentendre. C'était Pony Pony Run Run avec le titre Hey You sur Radio Antigone. Tout de suite, c'est l'heure de la suite de Qui veut gagner les Antigones? Six points partout, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, six points partout, c'est le classement, le score de Matt et Morgan. Ils ont tous les deux six points. Il va falloir les départager avec cette dernière question. C'est la dernière question pour les deux, donc deux questions. Et puis, s'ils sont toujours à égalité au terme de ces questions, eh bien, nous ferons quoi? Une question ultime, comme d'habitude. Êtes-vous prêt pour cette question? Matt, c'est à toi. Ouais, je suis là, je suis prêt. Avec Internet. Matt, tu es un garçon. Oui. Alors, quel chromosome sexuel tes cellules contiennent-elles? XY. Deux chromosomes X, deux chromosomes Y ou un chromosome X et un chromosome Y? XY. Bon, je vois que toi, tu suis bien en classe, tu suis bien tes cours de SVT. Bien sûr, c'est X et Y. Je te félicite. Je rappelle, puisque c'est bien d'apprendre des choses, que les chromosomes sexuels sont apportés l'un par la mère, l'autre par le père. La mère transmet toujours un chromosome X, alors que le père transmet soit un X, soit un Y. C'est donc lui qui détermine le sexe de l'enfant. Bravo Matt, tu gagnes donc 2 points de plus. Tu es maintenant à 8 points. Morgan, voici ta question. J'ai même pas regardé la réponse de Morgan. Elle avait bon. C'est ça, donc elle a aussi la bonne réponse. Morgan, tu es donc pour l'instant à 7 points. Êtes-vous prêt? Ouais. Oui. Alors, Morgan, voici ta question. Ta question, pardon. Laquelle de ces trois substances présentes dans l'eau du robinet n'est pas nocive pour la santé? Est-ce que c'est le chlore, les nitrates ou le plomb? Le chlore par élimination. Tu réponds le chlore. Alors tout d'abord, j'enlève le plomb. C'est pour ça que les conduits sont souvent remplacés. Mais attends, Enzo a été remplacé il y a quelques temps. Enzo? Oui. Enzo? Oui, juste dans ta question, est-ce qu'il y a une notion de quantité? Non. Ah, c'est juste nocif? Ça veut dire qu'il y en a une des trois qui n'est pas nocive. Bon, sûrement, si on mange, si c'est par exemple une roche ou un métal, si on le mange tel quel, oui, bien sûr, il est très certainement nocif. Mais dans l'eau du robinet, non. D'accord, voilà. Mais... Ok. Vas-y, continue. Je dis n'importe quoi. Mais non. Alors, j'ai donc enlevé le plomb. Vous savez qu'il y a quelques années, on a remplacé tous les différents conduits qui étaient en plomb. Alors... la réponse, et qui va déterminer le gagnant, puisque Matt n'a pas dit la même réponse, c'est-à-dire que si Matt a la bonne réponse, il gagne, sinon, c'est Morgan. Attention, nous revenons juste après la pub. Salaud. C'est le chlore. Et oui, c'est le chlore, même s'il donne un mauvais goût à l'eau, le chlore ne présente pas de risque pour la santé, au contraire, c'est un désinfectant. Par contre, le plomb et les nitrates peuvent être très toxiques si leur concentration dépasse les normes autorisées. Bravo, Morgan, tu es encore la grande, une nouvelle fois, la grande vainqueur du jour. Mais pour moi, le chlore... Genre c'était ok, mais à toute petite dose. Après, c'est vrai que le chlore, si on le prend sous forme de gaz pur, c'est sûr qu'il est dangereux. Genre les vapeurs de chlore, ça c'est sûr que c'est pas bon du tout. Dans l'eau, après, je savais pas du tout. Et comme j'entendais plus parler des nitrates et du plomb que du reste. Et pour moi, les nitrates, c'est des trucs qu'il y a dans les bouteilles d'eau. Je dois certainement me... Nitrate est dangereux par sa capacité à se transformer en nitrite aux effets toxiques reconnus. Voilà pour la réponse. Bravo Morgane. On va se dire au revoir toute l'équipe et se donner rendez-vous demain. Mais pour l'instant, il est 19h32. Radio Antigone. Radio Antigone. Même 19h33, hein, oui, je recule d'une minute, c'est déjà l'heure de faire un nouveau point sur toute l'actualité de ce mercredi 6 mai 2020. Et c'est avec notre rédaction. Bonsoir. Bonsoir à tous. Édouard Philippe, le Premier ministre, présentera les derniers détails du plan de déconfinement demain à 16h. Le chef du gouvernement dévoilera notamment la carte définitive des départements classés rouge ou vert selon leur situation sanitaire en vue du 11 mai, le déconfinement. Le Premier ministre sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Elisabeth Borne à la transition écologique, Olivier Véran, ministre de la Santé, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Bruno Le Maire à l'économie, Muriel Pénicaud au travail ou encore Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a été auditionné à l'Assemblée cet après-midi par la mission d'information de la conférence des présidents sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie. Il y a abordé notamment la question de la reprise des cours après le déconfinement. Et puis Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé aujourd'hui de premières mesures de soutien au secteur culturel laminé par la pandémie du Covid-19. 75% de métros en circulation à Paris à partir de lundi. La patronne de la RATP a précisé que 75% des RER A et B seraient en circulation, ainsi que 75% du réseau de bus. Enfin, pour les tramways, le taux de circulation sera entre 80 et 100% à partir du 11 mai. À l'étranger, un bilan quotidien encore à la hausse en Espagne avec 244 morts recensés au cours des dernières 24 heures. Le bilan de l'épidémie en Espagne est à ce jour de 25 817 décès. Par ailleurs, le président du gouvernement, Pedro Sanchez, semble assuré d'obtenir le soutien du Parlement pour la prolongation de 2 semaines de l'état d'urgence. Et aux États-Unis, avec 2 333 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux États-Unis est reparti à la hausse hier. Ces nouveaux décès portent le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain à 71 022 morts. Merci beaucoup à la rédaction pour ce point très complet sur l'actualité. Toute l'actualité revient dans 25 minutes à 20h. Radio Antigone. De 18h30 à 19h30, c'est la case Talk d'Enzo. Déjà l'heure de se dire au revoir. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain à partir de 17h30. Merci à Matt et Morgane d'avoir participé. C'était sympa, merci. Merci à toi. De rien, c'est avec grand plaisir que j'anime cette émission avec vous. Matt, on te retrouve demain dès 17h30 pour ta case musicale. Que nous proposeras-tu demain en musique ? Je sais pas encore. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui avec le lycée, donc j'ai pas pu préparer la playlist de demain. Pas de problème, ce n'est rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la bonne musique et qu'il faudra donc être présent demain à partir des 17h29. Eh bien, parfait. On te retrouvera avec grand plaisir. À 18h, vous retrouverez également avec grand plaisir le fameux Antoine qui vous présentera sa case info avec un point sur l'actualité, un grand journal de 10 minutes, suivi d'un reportage très intéressant. La suite, comme d'habitude, aux alentours de 18h15. Voilà, moi je vous retrouverai avec grand plaisir également, et beaucoup de grand et de plaisir aujourd'hui pour cette outro à 18h30 et jusqu'à 19h30 pour la case talk. Restez bien avec nous parce qu'on a des belles choses qui arrivent, notamment des invités qui sont au moins un invité qui est déjà calé, et je mets même un E après le E apostrophe, le E accent aigu. Voilà, donc restez bien avec nous, on vous en parlera un peu plus. Rendez-vous demain, et donc oui, des 17h30 avec Matt. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Antigone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et à demain, salut. À demain. À demain. Oups. C'est pas le bon ça. C'est pas ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que je voulais lancer. Alors attendez, je vais retrouver peut-être. Voilà, c'est là. Au revoir. Radio Antigone. Salut à tous. La radio à vif.